Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce qui différencie l'être civilisé en Chine des autres hommes comparé aux bêtes sauvages et aux oiseaux ? Demande la sinologue Han Chang. Quels sont les fondements symboliques de la centralité chinoise ? Quelle a été la propagande unificatrice des Han et son actualité? Comment le monde est-il vu par la centralité chinoise? Comment l'Inde peut-elle être considérée comme l'autre espace civilisé? Et pourquoi faut-il revenir au traité des rites et à la scénographie, à la disposition hiérarchique et politique du Palais des Lumières, le Mingtang, et à la représentation des quatre Orients et des quatre peuplades aux marges? Quels sont les us et coutumes des barbares? Comme le fait de porter les cheveux détachés ou de manger cru. Han Chang, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine, propose d'interroger, nous dit-elle, la prétention chinoise à l'universalité dans le cadre de sa grande série pluriannuelle intitulée Universalité, mondialité, cosmopolitisme, Chine, Japon, Inde. Dans le cours précédent, Han Chang s'est attachée à une grande introduction où elle revisite les notions abordées l'année précédente. Elle cite les textes en chinois et interroge aujourd'hui en particulier les différentes manières de désigner les traducteurs et elle introduit le débat des linguistes autour du rôle des traducteurs. Comment représentait-on l'autre dans l'Antiquité ? Dans une longue et stimulante interview donnée à la revue Vacarme en 2010 sur les amnésies chinoises, Han Chang revient sur son parcours entre l'Europe et la Chine, son père chinois ayant choisi de rester en France, quand sa mère ayant, elle, choisi de regagner la Chine, et elle présente sa façon de nous introduire à la pensée chinoise, et je la cite. « Je pars du principe que pour comprendre un texte en chinois classique, il faut d'abord le lire à voix haute. Il faut entendre et faire entendre la voix d'un texte et d'un auteur, la sonorité, la percussion des mots, les effets de parallélisme, de rythme, de rime, perceptibles même sans une pratique très longue de la langue. Il ne faut pas oublier qu'en chinois, surtout dans la langue classique, un son est le plus souvent un mot. On n'a donc aucune chance de comprendre un texte sans le travailler à l'oreille. Il faut l'écouter et puis il faut voir. C'est en montrant comment se constitue un caractère que vous comprenez non seulement dans quel champ sémantique il se situe, mais à quoi il vise. La graphie d'un terme tient lieu d'exercice étymologique. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 23 novembre 2017 pour le cours d'Han Chang, aujourd'hui « Nous, civilisés » et les autres qui ne connaissent pas les rites. Nous rappelions la dernière fois donc le cours de notre enquête de longue haleine sur les différentes façons d'envisager ce qu'il est convenu d'appeler la Chine quand on prend le parti de ne pas la considérer comme une entité isolable et autosuffisante, mais quand on prend le parti de la remettre à sa place, au sens propre de cette expression, c'est-à-dire d'ouvrir la perspective sur une échelle plus large et qui permette de replacer la centralité chinoise largement autoproclamée dans le monde, dans le contexte du monde qui l'entoure. Donc nous avons rappelé dans les grandes lignes notre propos de l'année dernière, qui s'efforçait de dégager les fondements symboliques de cette centralité, illustrés, comme vous vous en souvenez peut-être, dans des traces, des vestiges archéologiques, des sources textuelles et des formules devenues canoniques, dont on note une très nette cristallisation à l'époque Han, dont je rappelle qu'il s'agit d'une dynastie qui a duré quatre siècles, entre le deuxième siècle avant notre ère et le deuxième siècle de notre ère. Et dynastie Han, donc, en consolidant l'unification territoriale et la centralisation administrative opérée par Qin, notamment donc le premier empereur, donc cette dynastie a pu donner lieu à une forme très assertive, très affirmative de cette notion de centralité chinoise. J'ai eu l'occasion de rappeler que le nom de cette dynastie, Han, donc, est désormais lié justement à la langue chinoise, à l'ethnie soi-disant dominante chinoise en Chine actuelle. Bref, Han est devenu une sorte de symbole identitaire, on pourrait dire. Alors, ce que nous avons appelé la propagande unificatrice des Han se traduit dans ce qu'on peut vraiment considérer comme des slogans que l'on trouve sur des supports et quelquefois des supports assez inattendus, comme ces embouts de tuiles que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer. Alors, les embouts de tuiles, je rappelle qu'il s'agit de ces éléments que vous avez au bout des rangées de tuiles qui couvrent les toits des édifices. Et donc, vous avez donc ces embouts de tuiles qui sont en général de forme circulaire. Et donc, vous avez celui-ci qui porte ce slogan inscrit comme ça en rond et qui est transcrit ici en chinois moderne. Donc, Wei Han San Nian Da Bing Tian Xia, c'est-à-dire donc seuls les Han en trois ans ont réalisé donc la grande unité, ont unifié de la grande manière le Tian Xia, c'est-à-dire tout ce qui est sous le ciel. Donc bon, si c'est pas un slogan, je me demande un petit peu ce que c'est. Hein. Et donc vous avez ce genre d'inscription sur ces embouts de tuiles qui sont donc à portée du regard, enfin des passants, et qui portent donc une forme de propagande politique. Et donc la représentation symbolique de la centralité Han se trouve également formulée dans diverses sources textuelles, notamment des textes canoniques ritualistes, à commencer par le fameux traité des rites, le Li Ji. Alors, nous rappelions la dernière fois donc ce passage du chapitre Ming Tang Wei, c'est-à-dire donc les positions dans le Ming Tang, ce fameux palais des Lumières, dont nous avons pas mal parlé l'année dernière. Donc ce passage qui donne une représentation qu'on peut spatialiser de cette manière, et on pourrait même parler d'une scénographie, de la disposition hiérarchique de l'espace politique conçu donc par la Chine des Han. Donc vous avez au centre le fils du ciel, entouré donc du carré des princes feudataires, Et ensuite, vous avez un carré plus large en dehors duquel se trouvent donc les aux quatre orients, les quatre peuplades considérées comme non civilisées. Vous avez donc une représentation qui est proposé donc en japonais, c'est un schéma donc japonais qui a schématisé sous la forme de cercles concentriques ce dispositif donc très fortement centré. Alors vous avez donc en rose le cœur même de cette centralité avec le Tianzi ici, donc le fils du ciel qui siège donc au milieu de l'espace chinois. Ensuite, en rose un peu plus pâle, vous avez le cercle interne des Neichen, c'est-à-dire donc des ministres ou des vassaux, des princes feudataires, nés, c'est-à-dire de l'espace intérieur. Et après, donc, vous avez deux cercles à l'extérieur en bleu. D'abord, le cercle extérieur de ces ministres, de ces princes feudataires extérieurs, Weichen, donc. Et à l'extrême marge, donc le cercle le plus extérieur figurant en bleu, vous avez donc les Chao Gongguo, c'est-à-dire donc les pays qui littéralement viennent périodiquement à la cour du Fils du Ciel pour rendre des visites d'hommage et payer le tribut, hein, le con. Donc tout ça, c'est, on pourrait dire, le monde vu par la centralité chinoise. Hein. Et puis vous avez donc aux quatre orients, en commençant, si on reprend donc l'ordre canonique, vous avez donc à l'est les Tongyi, hein, donc les Yi à l'est, ensuite au sud les Nanman, à l'ouest les Xirong et au nord les Peiti. Alors si on s'amuse donc comme on vous l'indique en japonais, mais enfin bon, on reconnaît les caractères chinois ici, donc c'est-à-dire ce sont donc les terres, les espaces qui sont en dehors le wai, donc du hua, c'est-à-dire de l'effet transformateur, civilisateur donc du Fils du Ciel. Vous voyez donc que vous avez ce schéma qui vous donne sous forme extrêmement graphique cette idée donc justement de l'effet civilisateur à partir donc de la centralité chinoise, hein, qui irradie vers l'extérieur. Et vous avez donc ces espaces indéfinis, hein, qui sont en dehors justement de cet espace civilisé. Et alors donc si on s'amuse à appliquer donc ce schéma sur la cartographie actuelle, vous avez donc les Yi de l'est qui correspondent au Japon. D'ailleurs, les Japonais ont été très souvent désignés de cette façon donc par les sources chinoises. Ensuite, les Nanman, vous avez au sud ce qui correspond à l'actuel, ce qu'on appelle l'Asie du Sud-Est. À l'ouest, donc les Xirong, ça correspond donc à toute l'Asie centrale. Et au nord, vous avez donc Peiti, les Di du nord, qui correspondent à la Russie. Donc, alors vous remarquerez que l'Inde se trouve quelque part donc entre les Man, du sud et les Zhong de l'ouest. Mais justement, nous allons voir, et ce sera un des propos centraux de cette année, que l'Inde fait une remarquable exception dans ce tableau, parce qu'on verra que justement, l'Inde, même en étant située en dehors de l'espace civilisé, est considérée comme en soi un autre espace civilisé. Ça, ça va être la grande question que nous allons traiter donc cette année. Alors, outre le chapitre donc sur les positions dans le Mingtang, le Mingtang Wei, vous vous rappelez peut-être que nous avons également lu ensemble un autre chapitre du traité des rites, le chapitre Wangzhi, c'est-à-dire donc sur les institutions royales, qui s'attache à la position et aux mœurs des barbares ou non civilisés des quatre Orients, en dehors justement du précaré des pays centraux. Donc vous vous rappelez peut-être ce texte qui commence comme ça, donc « Zhongguo, Zhongyi, Wu Fang Zhimin, Jie You Qi Xin Ye, Bu Ke Tui Yi ». Donc les pays centraux et les Zhong et les Yi qui sont donc, vous rappelez, les Zhong sont à l'ouest et les Yi à l'est, donc c'est un doublé qui désigne par métonymie donc justement toutes ces peuplades non civilisées. Donc si on résume, les peuples des Wufang, c'est-à-dire des cinq directions ou des cinq orients, donc c'est-à-dire les quatre orients plus le centre, c'est-à-dire donc ont chacun leur nature propre qu'il est impossible de changer. Donc le texte vous dit donc, vous avez à l'est ceux qu'on appelle les Yi, qui portent les cheveux. Je ne relis pas, je répète pas, mais je rappelle la traduction. Donc, ceux de l'est, les Yi, portent les cheveux dénoués et se tatouent le corps, et certains mangent cru. Ceux du sud sont appelés Man, ils incisent leur front et croisent leurs pieds, certains mangent cru. Ceux de l'ouest, ce sont les Zhong. Ils portent les cheveux dénoués et sont vêtus de peau de bête, et certains ne mangent pas de céréales. Ceux du nord sont appelés Ti. Ils sont vêtus de plumes d'oiseaux et de poils d'animaux et habitent dans des cavernes. Certains ne mangent pas de céréales. Donc les pays centraux, les Yi, les Man, les Zhong, les Ti, tous ont chacun à leur manière des habitations où ils sont en sécurité, des aliments qu'ils trouvent à leur goût, des vêtements qu'ils trouvent confortables, des commodités qu'ils trouvent utiles et des instruments, des ustensiles adéquats. Donc là, vous noterez que le texte, ce chapitre sur les institutions royales, fait le tour d'horizon, si j'ose dire, des non-civilisés, dans le même sens, donc dans le sens de la rotation horaire, et dans le même ordre que le chapitre sur les positions du Mingtang, donc en commençant par l'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord. Alors, on voit transparaître dans ce texte plusieurs thèmes qui sont classiquement, et je dirais même canoniquement, associés aux peuples qui vivent en marge et aux quatre orients des pays centraux et qui sont désignés de temps à autre comme les quatre Yi, les Si Yi, ou par divers binômes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça peut être les Zhong Yi, ça peut être les Yi Di, ça peut être les Man Yi, etc. Alors, ces thèmes... il y a d'abord donc le fait de porter les cheveux dénoués. qui, aux yeux des civilisés chinois, vous avez peut-être vu des représentations iconographiques de ces Han qui portent toujours les cheveux en noués, en chignon. Donc le fait de porter les cheveux dénoués rapporte ces peuplades aux non-humains. C'est-à-dire que pour les Han, donc seuls les démons, les Gui, hein, les fantômes des morts, portent les cheveux dénoués. Et c'est ce à quoi fait allusion une histoire fameuse du Zhuangzi que j'ai pas le temps de vous lire, mais on aura peut-être le temps d'y revenir, qui met en scène Confucius. Confucius qui se trouve au bord d'une grosse chute d'eau, hein, imaginez le Niagara, et tout d'un coup donc il voit sortir de cette chute d'eau un homme, indemne, Confucius s'imagine que c'est un pauvre désespéré qui a cherché à mettre fin à ses jours, et donc il cherche à le sauver, mais alors il s'aperçoit que le bonhomme est tout à fait en forme et qui s'en va même en sifflotant. Enfin bon, et Confucius lui dit à vous voir comme ça avec vos tout nus et vos cheveux dénoués, je vous ai pris pour un démon ou en quelque sorte un zombie. Enfin. Donc ça vous montre justement que ce porter les cheveux dénoués comme moi, c'est un signe de sauvagerie en quelque sorte. Hein. Alors même remarque pour les tatouages, hein, qui font ressembler donc ces personnes à des démons, des êtres non humains par leur aspect sauvage et terrifiant. Ensuite, vous avez un autre thème récurrent, c'est-à-dire la proximité, voire la confusion avec l'animal. Hein, c'est-à-dire, donc, ce sont des gens qui sont vêtus de peau de bête, qui se couvrent de plumes d'oiseaux, de poils d'animaux. Hein. Et un autre signe d'éloignement par rapport à la culture. Alors, quand je dis culture, c'est vraiment dans tous les sens du mot, à commencer par la culture de la terre, donc un autre signe d'éloignement par rapport à la culture sédentaire et c'est un signe de rapprochement avec l'animal, c'est le fait de ne pas se nourrir de céréales, hein, faute de pouvoir les cultiver, hein, dans l'espace des steppes, c'est impossible donc de cultiver des céréales, et donc vous avez ces peuplades qui sont essentiellement nomades. Et ce qui frappe aussi l'imaginaire chinois, c'est que beaucoup de ces gens mangent cru, hein, sans cuire les aliments. Et donc nous retrouvons ici la distinction rendue fameuse par Lévi-Strauss, donc entre le cru et le cuit. Et nous aurons sans doute l'occasion aussi de reparler de la distinction chinoise entre ce qu'ils appellent les barbares crus et les barbares cuits. Mais ce qui est quand même tout à fait frappant, c'est que aussi bien dans la phrase initiale ici que vous avez, que j'ai lue, et la phrase de conclusion que vous avez ici, hein, que nous pouvons relire, donc Zhong Guo Yi Man Rong Di Jie You An Ju He Wei Yi Fu Li Yong Bei Qi, donc toutes ces peuplades, hein, ont quand même un point commun, hein, c'est qu'ils ont chacun leur nature propre et qu'ils ont chacun leur manière de vivre. Hein. Donc, d'une certaine façon, on a l'impression que ces phrases mettent au fond les pays centraux, les Zhongguo, et les Rongyi, hein, donc sur le même plan. Hein. C'est pour ça que je vous ai souligné en rouge cette expression tieyo que vous retrouvez dans la première phrase et dans cette phrase de conclusion ici, hein, c'est-à-dire donc au fond ils ont tous quand même quelque chose en commun. Et ensuite dans les deux dernières lignes du passage vous avez des considérations qui vont avoir leur importance pour notre propos de cette année. Alors, ces deux dernières phrases vous disent ceci. Donc, Wu Fang Zhimin, Yan Yu Putron, Shi Yu Putron, Da Qi Zhi, Tong Qi Yu. Alors, donc, les peuples des cinq Orients ou des cinq directions ont des langues qui ne communiquent pas, Putron, qui ne communiquent pas entre elles. Et des shuyu putron, des goûts et des besoins, des désirs qui n'ont rien en commun. Et pour que leurs intentions ta se fassent comprendre, et pour que leurs besoins puissent se communiquer, tron, on a donc tongfang yue ji. Nanfang yue xiang, xifang yue di di, beifang yue yi. Donc, nous avons l'est ce qu'on appelle donc des ji, des messagers, enfin des gens qu'on envoie, on pourrait dire des chargés de mission. Au sud, nous avons des xiang, c'est-à-dire littéralement des imitateurs. Alors, est-ce que ce sont des représentants? À l'ouest, des didi, je vais revenir sur cette expression. Et au nord, donc, des yi. C'est le mot qu'on a retenu dans la langue moderne pour désigner donc les traducteurs ou les interprètes. Alors, soit dit en passant, nous allons voir que ce passage est cité comme une sorte de locus classicus dans la plupart des introductions aux discussions théoriques sur la traduction, en particulier donc dans les textes bouddhiques venus de l'Inde, dans ces textes bouddhiques de la Chine du premier millénaire de notre ère, comme nous allons voir la diffusion du bouddhisme indien en Chine est passée donc par un énorme travail donc de traduction, et c'est intéressant de voir que ce passage du traité des rites est répété, enfin de manière assez conventionnelle, dans tous ces efforts de traduction quand ils réfléchissent sur ce que peut être cette notion de traduction. Et ça continue ensuite dans la Chine du deuxième millénaire de l'ère chrétienne, dans les encyclopédies qui traitent de langues étrangères. Autrement dit, là, c'est vraiment le passage qu'on cite d'entrée de jeu pour dès qu'on parle de traduction. Le Collège de France et France Culture vous présente la sinologue Anne Chang sur l'universalité en Chine, aujourd'hui, nous, civilisés, et les autres qui ne connaissent pas les rites. Alors, d'abord sur cette dernière phrase, donc sur les différentes manières de désigner donc ces traducteurs, ces intermédiaires, on a beaucoup, les linguistes se sont beaucoup disputés et ont beaucoup discuté pour savoir si ces mots qi, xiang, di, di, yi, est-ce que ça désigne des personnages, comme je l'ai traduit, c'est-à-dire donc des messagers, etc. Ou est-ce que ça, c'est à prendre comme des verbes? Donc bon, alors là, enfin moi, je rentre pas dans la discussion et c'est pas très très important pour notre propos, hein, parce que nous pouvons aussi comprendre que à l'Est, on appelle cet acte justement de médiation, donc envoyé en mission, etc., ou imité, etc. Alors, il se trouve que dans un autre texte qui précède immédiatement donc la formation du premier empire centralisé Han, hein, dans ce texte intitulé donc le Lu Shi Chunqiu, c'est-à-dire donc les annales des Chunqiu, des printemps et automnes de Monsieur Lu. Hein, alors Monsieur Lu, c'est un certain Lu Buwei. Qui est mort donc en 235 avant notre ère et qui a été donc un ministre du premier empereur. Hein, donc on lui a attribué cette compilation textuelle. Donc dans le Shi Chunqiu, vous trouvez ces phrases qui font référence également à ces traducteurs. Alors, Fan Guan Dai Zhi Guo, Zhou Che Zhi Suo Tong. 不用向意滴滴, 方三千里. Donc, dans tous les pays où l'on porte le guan tai, c'est-à-dire donc la coiffe et la ceinture. Alors, la coiffe et la ceinture, ce sont les insignes des lettrés. Autrement dit, les guan tai zhi guo, les pays où l'on porte ces insignes, ce sont les pays civilisés, sous-entendu, donc les pays chinois, hein, qui sont dirigés par des lettrés. Dans ces pays, les endroits que l'on peut atteindre, là aussi vous avez de nouveau le verbe tronc, donc les endroits que l'on peut atteindre en bateau ou en char, hein, et puyong xiang yi didi, donc, et où l'on n'a pas besoin de traducteur, hein, c'est-à-dire donc, alors là vous avez la répétition, donc, trois de ces médiateurs, donc les xiang, donc les imitateurs ou les représentants, les yi, les traducteurs, et les titi, les fameux titi, donc, hein. Donc partout où on peut aller en bateau, en voiture, en char, et on n'a pas besoin de traducteur, hein, cet espace-là, hein, et d'une superficie totale de 3000 li carrés. Les li sont une mesure de distance, hein, qui a varié de valeur dans le cours de l'histoire, mais enfin on peut traduire ça par lieu, hein, 3000 lieux carrés. Et donc je continue. Gu zhi wang zhe, zhe tian xia zhi zhong er li guo. 则国之中而立功则公之中而立庙. Donc les rois de l'Antiquité choisir le zhong, c'est-à-dire le centre du monde, hein, sous le ciel, 天下之中, pour établir leur pays. Ils choisir le centre du pays pour établir leur palais, et ils choisir le centre de leur palais pour y installer leur temple ancestral. Donc, vous avez dans cette dernière phrase l'évocation, encore une fois, donc, de cette forte auto-représentation chinoise, hein, fortement centrée. Hein, ça, on peut pas être plus centré que ça. Hein, donc, vous réduisez donc le monde sous le ciel au temple ancestral de la maison royal, hein, et ça, vous avez vraiment le cœur du monde. Alors, ce qui nous intéresse réellement dans ce passage, c'est justement la référence à ces traducteurs, hein, c'est-à-dire donc il y a cet espace civilisé où on n'a pas besoin justement de traducteurs. Donc, au fond, l'idée sous-jacente à ce passage, c'est que une zone civilisée, par définition, n'a pas besoin d'interprète, puisqu'elle est au centre, et qu'au centre, tout le monde parle une seule langue, hein, la langue des êtres civilisés qui permet de se comprendre entre nous. Hein. Ça me fait irrémédiablement penser à ce fameux ouvrage de Tsvetan Todorov dont nous regrettons aussi la disparition relativement récente, hein, donc nous et les autres. Hein, donc là, là vous avez la version chinoise du nous et les autres. Hein. Alors, donc ce passage au fond établit un lien direct entre la notion de civilisation, hein, et la question de la langue. Hein. Et au fond, on peut se dire que dans le passage du chapitre sur les institutions royales, hein, la mention de tous ces peuples, hein, des pays centraux d'un côté et des terres excentrées non civilisées de l'autre, qui ont, je cite, des langues qui ne communiquent pas entre elles, ça rappelle furieusement, bien sûr, l'origine de notre mot barbare, hein, l'origine grecque, barbaros, donc, qui serait en grec une forme d'onomatopée pour évoquer quelqu'un qui balbutie, hein, qui baragouine, hein, une langue, un sabir totalement incompréhensible. Hein. De la même façon, on pourrait considérer que ces titi, hein, sont une désignation de type onomatopéique de gens qui parlent titi, une langue d'oiseau, hein, quand on ne les appelle pas justement par des noms d'oiseaux, enfin. Hein, mais il faut quand même rappeler que l'habitude qui s'est installée de traduire conventionnellement donc ces noms de populations non chinoises, non civilisées, par le mot barbare, hein, donc les anglophones parlent volontiers de barbarians, donc cette habitude ne rend pas entièrement compte de la réalité des relations que les Zhongguo, les pays centraux, entretenaient véritablement avec ceux qu'ils appelaient au fond les Fangguo, c'est-à-dire donc les pays des régions, ou même les pays d'à côté, hein, les Prangguo. Alors, bien sûr, un certain nombre de sinologues et de linguistes, en fait, se sont intéressés, bien sûr, à toutes ces sources. Vous avez le nom de quelques-uns d'entre eux ici. Alors, je viens de faire allusion justement à des débats de linguistes concernant justement la fonction de ces traducteurs, et vous avez des considérations tout à fait intéressantes dans un article de Wolfgang Beer, donc qui s'intitule donc "To translate is to exchange", hein, et donc il cite une phrase chinoise, donc yi zhe yan yi ye, et le sous-titre de l'article est "Linguistic diversity and the terms for translation in ancient China". Donc traduire, c'est échanger, c'est ce que veut dire donc la citation en chinois. Diversité linguistique, hein, la diversité linguistique et les termes pour désigner la traduction en Chine ancienne. Et c'est un article que vous trouvez dans un volume qui lui-même couvre un domaine assez différent, mais qui est très intéressant par lui-même, qui est dû à notre collègue allemand, Michael Lackner, que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'inviter ici en juin dernier au Collège de France pour 4 conférences qui sont également en ligne. Donc, Michael Lackner et Natasha Wittenhoff. Ce volume collectif s'appelle donc Mapping Meanings, The Field of New Learning in Late Qing China. Donc, Mapping Meanings, ça veut dire en fait, en quelque sorte, cartographier ou mettre les meanings, les significations en diagramme, hein, le champ du savoir nouveau, hein, c'est-à-dire du savoir occidental, nouveau à la fin des Qing en Chine. Et c'est un volume qui est paru aux éditions Brill en 2004. Nous allons également faire référence à un article d'un collègue israélien, donc qui s'appelle Yuri Pinnes, écrit donc P-I-N-E-S, donc qui s'intitule Beasts or Humans, Pre-Imperial Origins of Sino-Barbarian Dichotomy, donc bêtes, sauvages ou humains, les origines pré-impériales de la dichotomie chinois-barbare. Et c'est un article qui lui aussi apparaît dans un volume collectif dirigé par Reuven Amitai et Michal Biran, qui sont également, je pense, des savants israéliens, qui ont dirigé ce volume collectif intitulé « Mongols, Turks and Others, Eurasian Nomads and the Sedentary World ». Donc, Mongols, Turcs et autres, nomades eurasiens et le monde sédentaire. Un volume collectif également paru chez Brill en 2005. Et je citerai également un article qui est en fait un compte-rendu d'un livre par notre collègue américaine, et j'insiste, c'est bien une américaine, une dame, qui s'appelle Michael Nylon, que j'ai eu également l'occasion d'inviter ici au Collège de France. Et son article s'intitule « Talk about barbarians in antiquity ». Donc, parler donc des barbares, et elle met le mot « barbare » entre guillemets, dans l'Antiquité. Et il s'agit donc d'un compte-rendu, en général élogieux, de Eric Groen, qui s'intitule « Rethinking the Other in Antiquity ». Donc, repenser l'autre dans l'Antiquité. Et en fait, M. Groen est un helléniste, donc il parle en fait essentiellement de la Grèce ancienne. Et il s'agit d'un ouvrage paru aux presses universitaires de Princeton, donc en 2011. Et l'article, le compte-rendu de Michael Nylon, apparaît dans la revue Philosophy East and West, donc Philosophie Est et Ouest, volume 62, numéro 4, en octobre 2012. Et donc cet article est justement assez critique vis-à-vis de l'usage du mot barbare dans le contexte de la Chine ancienne. Alors, Yuri Pinnes, pour sa part, dans son article, s'emploie à passer en revue les sources textuelles de la Chine préimpériale à la recherche de ce qu'il appelle le « beast simile », hein, c'est-à-dire donc la métaphore ou la comparaison donc de la bête sauvage appliquée donc aux non-civilisés. Et il cite notamment ce passage du Zhangguoce. Le Zhangguoce, c'est littéralement donc les registres des royaumes combattants. Hein, donc il s'agit d'une de ces nombreuses, enfin une de ces multiples compilations de textes que vous trouvez donc dans l'Antiquité pré-impériale chinoise. Et il s'agit ici des registres concernant le pays de Wei, hein, Weizhe. Alors, ce passage vous dit ceci. Qin yu rong di tong su, yu hu lang zhi xin, tan li hao li er wu xin. Alors, les gens de Qin, ici il s'agit de ce pays de Qin qui va finir par, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, unifier le l'espace chinois, hein, et donner lieu donc au premier empire centralisé Han. Donc hein, il s'agit bien de Qin, du premier empereur, hein. Donc dans les sources textuelles pré-impériales, Qin apparaît très souvent justement comme proche des non-civilisés Rong, c'est-à-dire des non-civilisés de l'Ouest. Alors, les gens de Qin ont les mêmes coutumes que les Zhong, ces gens qu'on appelle les Zhongdi. Ils ont des cœurs de tigre et de loup. Ils sont cupides et cruels. Haoli, ils sont âpres au gain. Et Wuxin, perfides, c'est-à-dire sans foi ni loi. On ne peut pas compter sur eux. Bushi li yi de xing, gou you li yan, bu gu qin qi xiong di, ruo qin shou er. Donc, ils ne savent pas ce que sont les rites et le sens moral, ni le de xing, donc le comportement vertueux. Pour peu qu'il y ait un intérêt, un li, qu'il y ait quelque chose à gagner, ils font fi même des liens de parenté, comme s'ils étaient des oiseaux et bêtes sauvages. Donc, Qin Shou, c'est le binôme consacré pour désigner donc les brutes, le monde animal sauvage. Et là, j'attire votre attention donc sur justement ces deux expressions que j'ai soulignées en rouge. Alors ici, toute la question est de savoir si ces Zhong sont considérés comme des non-humains, autrement dit ontologiquement autres, relevant d'une autre espèce, plus proche de l'animal que de l'humain, ou bien si c'est leur comportement qui est comparable à celui de bêtes sauvages. Et c'est pour ça que j'ai souligné donc le « ruo » ici, « ruo qin shou », le fait qu'ils aient des cœurs de tigre et de loup, qu'ils se jettent sur tout ce qu'ils voient d'intéressant, etc., qui connaissent ni foi ni loi, etc., ça leur donne un comportement qui est comparable, « ruo », à celui de d'oiseaux et de bêtes sauvages. Et au fond, le reproche principal qu'il aurait adressé, c'est qu'ils ne poussent li, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que sont les rites. Alors, je continuerai donc sur le passage suivant, donc qui est tiré du Guoyu. Le Guoyu, c'est littéralement que les propos des pays, donc des différentes principautés qui composaient l'espace chinois avant justement la grande unification de Qin. Donc ces propos de pays, ici il s'agit des propos du pays de Zhou, donc. Vous avez un passage dans cette compilation qui est très révélateur sur ce qu'il faut entendre par les rites, ce que ces pays centraux considèrent justement comme savoir ce que sont les rites. Alors le Guoyu, comme beaucoup de compilations donc pré-impériales, comporte des éléments donc de rhétorique édifiante qui opposent donc de manière assez tranchée les civilisés des pays centraux d'une part et les non civilisés des marges d'autre part. Alors ce passage intervient dans une histoire qui raconte la façon dont un émissaire d'un très puissant pays, le pays de Qin, arrive donc à la cour royale des Zhou et se montre assez mécontent, il fait la grimace sur la portion congrue de bouillon de viande qu'on lui sert au banquet sacrificiel. Il voit arriver un petit une petite coupe comme ça et dit bon, c'est tout ce qu'il y a à manger, enfin bon. Alors le roi s'empresse de lui expliquer hein, de lui faire la leçon, hein, que dans les banquets royaux, c'est le respect des rites, hein, et non la quantité des plats qui compte. Comme nous, nous dirions, hein, c'est pas le prix du cadeau qui compte, c'est l'intention. Hein. Bon. Alors, et donc le roi lui continue en lui disant, écoutez, hein, si vous comprenez pas ce principe, ça revient à vous comporter comme les êtres non civilisés. Hein. Et il cite les Zhong et les Di. Et donc dans ce passage, vous avez ceci, donc, Qie wei Zhong Di, zhe you ti jian. Il n'y a que les Zhong et les Di, donc ces gens non civilisés, qui reçoivent donc la carcasse entière de l'animal sacrifié au banquet. Donc justement, enfin, ce émissaire des Jin s'étonne de voir arriver juste un espèce de petit bol de bouillon, alors qu'il s'attendait à voir arriver quand même une grosse, comment dire, hein, côte de bœuf. Hein. Bon, alors, Fu Rong Di, Mao Mo Qing Chan, Tan. Donc ces Rong et Di, donc ces espèces de sauvages, ils foncent tête baissée et dans le désordre, ils se ruent comme ça, hein. Ils sont avides et ne bougeant, hein, ne cèdent pas la place. Hein. C'est-à-dire le Zhang, c'est une notion ritualiste par excellence, c'est-à-dire c'est avoir le sens rituel de l'effacement. Hein. Autrement dit, par exemple... laisser le passage, ça se traduit un petit peu en termes français dans la fameuse galanterie française, hein, mais les féministes évidemment seront contre. Mais enfin, c'est le fait, vous voyez, enfin, de laisser le passage, de pas se jeter tête la première, etc. Et de ça s'applique aussi au sens politique à, par exemple, laisser le trône, hein, à quelqu'un que vous considérez comme plus compétent et plus méritant que vous. Hein. Donc ce sens de Zhang, c'est vraiment le cœur du sens des rites. Alors le texte continue en disant Qi xue qi bu zhi, ruo qin shou yan. Donc leur, littéralement leur sang et leur souffle, hein, leur énergie vitale, le qi, hein, ne sont pas bien réglés, hein, donc ils sont irrépressibles, comme ceux des bêtes sauvages. Hein, donc là, vous avez la répétition donc de cette formule ruo qin shou, hein, c'est-à-dire comme, hein, comparable au brut. Qi shi lai ban gong, bu si xin xiang jia wei. Lorsque ces sauvages donc viennent soumettre le tribut, hein, ils ne sont même pas capables d'attendre fumet odorant et le goût succulent des mets, hein, parce que évidemment ils se jettent dessus comme des sauvages. Hein, bon, alors, gu zuo zhu men wai, er shi she ren ti wei yu zhi. Voilà pourquoi on les fait asseoir en dehors des portes. Donc ils n'ont pas accès donc à l'intérieur du palais, et on envoie les shuren, hein, c'est-à-dire littéralement les hommes de langue, hein, c'est-à-dire des justement ces fameux traducteurs qui peuvent communiquer avec les justement ces gens dans leur langue, hein, pour traiter avec eux. Alors, la première remarque qu'on se fait en lisant ce texte, c'est que l'absence du sens des rites chez ces Zhong Di, hein, se voit donc à leur manque de retenue. Hein, donc, comme les bêtes sauvages, ils se jettent sur la nourriture. Hein, et on a là, comment dire, une preuve très intéressante, a contrario, hein, d'une idée que j'ai eu sans doute l'occasion de d'émettre, c'est que les rites sont faits pour ralentir le comportement, ralentir les gestes, de manière à leur ôter justement leur caractère violent et irréfléchi. Autrement dit, quand vous vous comporter de manière rituelle. Par exemple, quand on décrit Confucius ou un lettré confucéen en train de marcher, il marche lentement et de manière très digne. C'est très rare qu'on les voit en train de marcher à pas pressés et encore moins de faire du jogging. Donc là, en fait, celui qui connaît les rites marche lentement. Une gestuelle ralentie. Il fait tout de manière assez solennelle. Et là, vous voyez justement par contraste ce que ça signifie. C'est-à-dire, au fond, ralentir vos gestes, premièrement, ça vous donne le temps de réfléchir. Et deuxièmement, en fait, ça vous permet justement de ne pas vous ruer dans la violence. L'autre notation intéressante, c'est que ce qui rend ces zhongdi comme des bêtes sauvages, donc le texte ne dit pas que ce sont des bêtes sauvages, ils sont comme des bêtes sauvages, ils se comportent comme eux, c'est que leur xueqi, c'est-à-dire leur sang énergie, n'est pas en bon ordre. Nous dirions ils ont le sang trop chaud. Nous aurons l'occasion, je pense que nous n'aurons pas le temps aujourd'hui, mais nous aurons l'occasion de voir justement les réflexions très intéressantes de Mencius sur ce sujet, justement cette considération sur le xueqi, donc le sang et l'énergie vitale. Quand elle n'est pas justement bien réglée, ça donne ça, un comportement de sauvage. Et enfin, la dernière remarque que je ferai aujourd'hui, c'est qu'il est intéressant de constater que le shel, c'est-à-dire l'homme de langue, c'est celui qu'on envoie en dehors des portes, au contact donc de ces sauvages, du fait précisément de sa capacité à utiliser sa langue, au sens très très physique du terme, pour, comme on dit, prendre langue avec justement ces gens des marges et pour communiquer avec eux dans leur sabir, dans leur langue d'oiseau. Bien, je terminerai simplement sur et nous reviendrons là-dessus la prochaine fois, sur cette première phrase donc du Mencius, à méditer pour la prochaine fois, donc où Mengziyue Mencius nous dit donc, Ren zhi suo yi yi, yu qin yu shou zhe, ji xi, shu min qu zhi, jun zi cun zhi. Ce qui fait donc la différence entre l'humain et la bête sauvage, les oiseaux et les bêtes sauvages, est extrêmement mince et d'une ténuité extrême. Les gens du commun ont vite fait justement de se débarrasser de ce fil ténu. Alors que le tunz, l'homme de bien, c'est celui qui sait maintenir donc ce fil ténu, cette différence très ténue entre l'humain et le sauvage. C'était les cours du Collège de France le 23 novembre 2017. Vous venez d'écouter Han Cheng, Universalité, Mondialité, Cosmopolitisme, Chine, Japon, Inde. Aujourd'hui, nous, civilisés, et les autres qui ne connaissent pas les rites. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Han Cheng. La sinologue est notamment l'auteur d'une traduction des entretiens de Confucius au Seuil, et je rappelle également son Histoire de la pensée chinoise chez le même éditeur en 2014. Un grand merci à Andy Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête autour de l'universalité en Chine en compagnie d'Anne Cheng. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.